Maxi Sud. Alors Michel Eugène, président de l'association du comité des fêtes de Villefranche-de-Rouergue. Une association composée de 18 membres au niveau du conseil d'administration, association qui travaille en commission, donc commission groupe, commission technique, commission hébergement, et j'en passe, et quand même la principale que je ne veux pas oublier, c'est la commission de jeunesse, la commission jeunesse où ils sont 15 jeunes à s'activer là-dedans, et ce sont donc nos futurs repreneurs, puisque c'est dans ce sens-là que je les vois. Ensuite, on a quand même 120 bénévoles hein, qui viennent graviter autour de nous et qu'on utilise en totalité à peu près deux fois par an, c'est-à-dire pour le Festival européen de la Saint-Jean et lors des concerts, sachant que tout est totalement gratuit. Hein, tout est totalement gratuit. On participe à financer nos activités que par le biais des donations qui sont faites par les sponsors, hein, les annonceurs, et bien sûr les dons des collectivités aux associations, dont la mairie, le conseil départemental et la région. Voilà, nos recettes proviennent de ça. Ensuite, on a quand même une chose qui nous permet un peu d'améliorer toutes ces recettes-là, c'est la participation avec des petites locations telles que les gradins, puisque nous avons 1000 places de gradins, et nous avons deux blocs toilettes complets de 10 sanitaires chacun, ce qui nous permet un peu d'améliorer toutes nos activités gracieuses. Voilà, en gros, la présentation du comité des fêtes. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et, pardon, lors de nos activités au niveau des vide-greniers, des lotos. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous, fête de la Saint-Jean 2026.